Donnie Donzo. Jusqu'à ce que la mort me visite. Ouais, ouais. Premier album fait, ce que j'ai pris pour la fin était en fait le début. Album de bullet, je me fixe des buts à atteindre sans faire la pute. Quand j'en peux plus, faut pas me parler, je trouve tout dérisoire. Alors j'écris un texte de préférence tout seul, tard un soir. Entre deux eaux, le nom s'est imposé de lui-même. Depuis l'album, mon truc perso s'est mué en aventure humaine, hein. Se bouger le fion, avec le temps ça devient mon leitmotiv. Ils confondent rappeurs et voyous, mais leurs préjugés me motivent. Les motifs de satisfaction sont rares comme les vrais potes. Je reporte une putain d'autruche typique de mon époque. Épopée de l'an 2000, dans 100 ans paraîtra bien fade. Mais cette vie je l'aimais, et encore plus sur un son bien fat. Fatigué de chercher quelque chose qui ressemble à une sortie. Je me sens comme dans Fort Boyard et tout le monde me gueule de sortir. Et joke, t'as vu cette vie, c'est comme un bord de mer. Une vague, tout s'efface et à l'ancienne on se retrouve dans la merde. Je jure sur le peu de vie qui me reste qu'avec mes potes je partagerai les dernières pattes et qu'on videra les derniers packs. Partirai le passage obligé, plus ça s'approche et moins ça me tarde. Je veux être ailleurs comme une montée à l'arrière du camtar. Pas tard de poète maudit, à peine le quart de ce qu'il aurait dû. On me disait trop sensible et maintenant on me dit que je suis trop dur. On croit contrôler quelque chose dans la quatrième dimension. Ici les gens vivent dans le mensonge, en sont tous parfaitement conscients. Adolescent, je faisais parler la foudre, je faisais causer la foule. En mode défouraillage, un, je suis un fou. Deux, j'en ai rien à foutre, rien qu'un orteil dans la fournaise. Déjà j'ai eu trop chaud, j'ai fait ce que j'ai pu pour attraper le train des études. Mais j'étais trop short, une cassette NTM. Et rien ne sera plus comme avant. Cette zig parle de ma vie, je te jure, je vibre et je le ressens dans le ventre. Les tripes à l'air, je me mange des retours et puis des ricochets. À croire que les chefs ont coché mon nom, ambiance pas cochère, le cafard. Cette impression que tout tourne à l'envers, qu'on nous a tout enlevé, c'est ce que je dois faire, même si je fais tout l'inverse. Quatrième dimension, entre pathétique et ubuesque. À quoi bon leur hurler que les plus grandes douleurs sont muettes. Emmurées dans le silence, j'ai regardé ma vie filer. Destin sur écoute, un coup de fil et je suis dans le prochain coup de filet. Fier de pas être comme ces gens qui parlent et se glorifient. Moi je fais plutôt partie de ceux qui se trompent et rectifient. Effectivement, la vie passe vite, les vieux me l'avaient bien dit. Et ce truc là, ce sera toujours plus important qu'être blindé. Au tout départ, j'envoie des mails, les mecs répondent même pas. Y'en a qu'on pas réalisé, j'suis pas une pute qu'on paye pour une passe. Alors j'avance, c'est pas le mal, c'est pas un truc qui m'effraie. J'dois reconnaître que c'est vrai, les vrais reconnaissent les vrais. J'enchaîne les titres, façon Rocky, sauf que mon ring est stud. Comment veux-tu que ça me laisse de marque quand dans leurs yeux je ressens l'estime. À part ce scud, de ma sale vie je n'ai pas fait grand chose. Tentative en tout genre, mais le bonheur me fuit, je te jure c'est chaud. Pourtant jamais je pourrais me résoudre à être un galérien. Une victime de la vie qui passe son temps à se plaindre, ça me valait rien. Avoir les reins solides, dans le rap t'as plutôt intérêt. J'étais encore à la maternité, que j'étais déjà en train de m'enterrer. Avec le temps, je m'en rends bien compte et je m'aperçois. On s'appelle plus juste pour prouver qu'on a vraiment besoin de personne. C'était pas clair pour lui ou elle, je vais le souligner. De rouge l'entourer, mieux vaut largement marcher seul plutôt que d'être mal entouré. J'ai fait des tours et des détours, usé mes skates pas autour du dos. Les gens s'engagent et se rendent pas compte qu'ils ont pas les épaules. Je fais mon truc sans concession, petit à petit des gens viennent vers moi. J'ai du mal à croire qu'enfin on me respecte pour ce que je suis vraiment. Au fond pudique, cette musique est devenue ma plus grande arme. Ce qui compte c'est que je kiffe, j'en ai rien à foutre de faire de l'art. L'enfer des larmes, des regrets, comme tous je les connais. À l'aube des 30 piges, y'a plus le temps, y'a un moment, faut pas déconner. Moi aussi je veux cette femme qui me sourit et qui me rassure. Je veux des petits donnis partout et qu'à leur manière ils prennent la suite. J'assume ces erreurs que je porte comme des palafres invisibles. La vie de ma mère, je compte être fort jusqu'à ce que la mort me visite. Jusqu'à ce que la mort me visite.